Cela est vrai. Ah, que n'ai-je étudié plus tôt pour savoir tout cela? Demain, nous verrons les autres lettres qui sont les consonnes. Est-ce qu'il y a des choses aussi curieuses qu'à celle-ci? Mais sans doute. La consonne D, par exemple, se prononce en donnant du bout de la langue au-dessus des dents d'en haut. Da. Da. Da, da. Oui, ah, les belles choses, les belles choses. L'F. En appuyant les dents d'en haut sur la lèvre de dessous. Fa. Fa. Fa. Fa. C'est la vérité. Ah, oh, mon père et ma mère, que je vous veux de mal. Et l'air. En portant le bout de la langue jusqu'au haut du palais. De sorte qu'étant frôlé par l'air qui sort avec force, elle lui cède et revient toujours au même endroit, faisant une manière de tremblement. Ra. Ra. Ra. Ra. Ra. Ra. Ra. Ra. Ra. Ra. Oh, cela est vrai. Oh, l'habile homme que vous êtes et que j'ai perdu le temps. Ra. Ra. Ra. Ra. Je vous expliquerai à fond toutes ces curiosités. Je vous en prie. Au reste. Il faut que je vous fasse une confidence. Je suis amoureux d'une personne de qualité. Je souhaiterais que vous m'aidassiez à lui écrire quelque chose dans un petit billet que je veux laisser tomber à ses pieds. Fort bien. Cela sera galant, oui. Sans doute. Sont-ce des vers que vous lui voulez écrire? Non, non, point de vers. Vous ne voulez que de la prose? Non, je ne veux ni prose ni vers. Il faut bien que ce soit l'un ou l'autre. Pourquoi? Par la raison, monsieur, qu'il n'y a pour s'exprimer que la prose ou les vers. Il n'y a que la prose ou les vers? Mais non, monsieur, tout ce qui n'est point prose est vers, et tout ce qui n'est point vers est prose. Et comme l'on parle, qu'est-ce que c'est donc que cela? De la prose. Quoi? Quand je dis « Nicolas, portez-moi mes pantoufles et me donnez mon bonnet de nuit », c'est de la prose? Oui, monsieur. Par ma foi, il y a plus de 40 ans que je dis de la prose sans que j'en suce rien. Et je vous suis le plus obligé du monde de m'avoir appris cela. Je voudrais donc lui mettre dans un billet « Belle marquise, vos beaux yeux me font mourir d'amour ». Mais je voudrais que cela fût mis d'une manière galante, que cela fût tourné gentiment. Maître, que les feux de ses yeux réduisent votre cœur en cendres, que vous souffrez nuit et jour pour elle les violences d'un amour. Non, non, non, non, je ne veux point tout cela. Je ne veux que ce que je vous ai dit. Belle marquise, vos beaux yeux me font mourir d'amour. Il faut bien étendre un peu la chose. Non, vous dis-je, je ne veux que ces seules paroles-là dans le billet, mais tourné à la mode, bien arrangé, comme il faut. Mmh. Je vous prie de me dire un peu pour voir les diverses manières dont on les peut mettre. On les peut mettre, premièrement, comme vous avez dit, belle marquise, vos beaux yeux me font mourir d'amour. Ou bien, d'amour, mourir me font, belle marquise, vos beaux yeux. Ah. Ou bien, vos yeux beaux, d'amour me font, belle marquise, mourir. Ou bien, mourir vos beaux yeux, belle marquise, d'amour me font. Ou bien, me font vos yeux beaux mourir, belle marquise, d'amour. Ah, mais de toutes ces façons-là, laquelle est la meilleure? Celle que vous avez dite, belle marquise, vos beaux yeux me font mourir d'amour. Cependant, je n'ai point étudié et j'ai fait cela tout du premier coup. Je vous remercie de tout mon cœur et vous prie de venir demain de bonne heure. Je n'y manquerai pas. Comment, mon habit n'est point encore arrivé? Non, monsieur. Ce maudit tailleur me fait bien attendre pour un jour où j'ai tant à faire, j'enrage que la fièvre cartaine puisse serrer bien fort le bourreau de tailleur. Au diable, le tailleur, la peste étouffe le tailleur. Si je le tenais maintenant, ce tailleur détestable, ce chien de tailleur-là, ce traître de tailleur, je...